Oh oh oh oh. Quand je reprends, je donne la peine. À te faire foutre, je sens mon thème. Fuck. Yeah. Aïe. Et quand j'ai un repas, j'ai de la peine. Va te faire foutre, ouais, c'est ça mon thème. J'aurais dû partir dès le premier signal. J'suis resté l'amour en bête. Les larmes qui coulent pour aucun effet. Allez, casse-toi, laisse-moi ramener ma veste. J'suis tombé amoureux, j'aurais pas dû. Sur toi j'ai investi, j'ai tout perdu. Mais dis-moi pourquoi tout ça. En là-bas j'pense c'était défaite pour moi. Déconné, t'as déconné. Notre connexion déconnectée. Elle l'a pas, je l'ai pas tourné. Mais c'est le livre que j'ai jeté. Une leçon de vie, j'ai compris. Plus jamais. Toi, t'as fait de la merde. T'assumes pas, je le savais. Ah, j'ai rien vu venir. Aveuglé, je t'aimais. Mais tu me diras, c'est pas de ma faute. Toujours celle des autres. Yeah. Mon cœur est tombé. T'as marché dessus. Mon cœur est tombé, t'as marché dessus. Mon cœur est tombé, t'as marché dessus. Et ça fait mal, ouais j'avoue ça fait mal. Non je veux pas mentir, là j'ai la haine. Vive une autre histoire, là j'ai la flemme. Quand tu rencontreras à tes copines, j'espère tu diras la vérité. Être le méchant dans la story, j'ai l'habitude, nouveau couteau dans le dos. T'as mis beaucoup de sel sur ma plaie. Bref, nique-toi et tes red flags. Hey, sorcière et menteuse, un peu chie sur le CV. J'avais pas lu dans tes yeux, je m'étais noyé. Maintenant je suis solo, y'a personne pour m'aider. Mayday, mayday, je crois que mon cœur est abîmé. J't'ai dit t'as déconné. Notre connexion déconnectée. Et la page je l'ai pas tournée. Mais le livre j'ai une leçon de vie. J'ai compris plus jamais. Toi t'as fait de la merde. T'assumes pas je savais. Ah j'ai rien vu venir. Aveuglé je t'aimais. Mais tu me diras c'est pas de ma faute. Toujours celle des autres. Mon cœur est tombé, t'as marché dessus. Mon cœur est tombé, t'as marché dessus. Mon cœur est tombé, t'as marché dessus. Et ça fait mal, ouais j'avoue ça fait mal. Oh, oh, oh, est-ce que... Il est tombé, t'as marché dessus, yeah. Pourquoi t'as marché dessus? Non, il est tombé, t'as marché dessus, yeah. T'as marché dessus. Cœur est tombé, cœur est tombé. Cœur est tombé, il est tombé. Il est tombé, t'as marché dessus, yeah.